Comédie française la plus vue cette année, The Congress, film d'animation de Harry Fullman, Tudor Nicole, en présence du réalisateur Stéphane Lafleur, 1987, la comédie de Ricardo Troggi. Le Cinécampus est présenté tous les mardis et mercredis au centre d'essai du pavillon J.A. de Sèvres à l'Université de Montréal. Pour plus d'informations, visitez le sac.umontréal.ca. Ici Solid, vous écoutez CISM 89.3, La Marge. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir tout le monde, en ce lundi 29 septembre, bienvenue à l'émission Le Terminus. Je m'appelle Jean-François Lusignan, je vous propose une heure de rock indépendant. Je vous donne un petit aperçu de ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes. Il va y avoir du Sonic Youth, Pearl Angels, Wish, Kate LeBond et du Hockey Dad. La liste complète sera disponible à la fin sur le CISM893.ca. Voilà qui est dit. On débute le premier segment de l'émission avec le groupe Broncho, qui était de passage à la Casa del Popolo il y a 2 semaines pour promouvoir leur 2e album qui s'appelle, attention, Just Enough Hip to Be Woman, qui marque quand même un petit virage plus pop dans le son du groupe. J'ai choisi pour vous de cet album la chanson Stay Loose de Broncho. Ce sera suivi de Bored Nothing qui travaille, en fait, qui a un nouvel album qui sort, son 2e lui aussi, le 27 octobre prochain. Et j'ai choisi un extrait du 1er album qui s'appelle Snacks, qui sortait il y a 2 ans, mais il y a déjà un extrait de l'album qui s'en vient dans quelques semaines, qui circule sur les internets. Allez voir ça si vous aimez Bored Nothing. Mais on commence à l'instant donc avec Broncho. Voilà, bonne écoute. I'm De l'album Sister qui paraissait en 1987, vous avez reconnu sûrement Sonic Youth avec Tough Gnarl et le leader de Sonic Youth, hein, Sonic Youth qui est en pause depuis la séparation de Kim et Thurston, eh bien le leader Thurston Moore, j'y arrive, sortira un premier album solo le 27 octobre sur Matador Records. Il y a déjà un premier extrait qui circule sur les internets depuis quelques semaines, donc si vous cherchez pour entendre du Thurston Moore, et premier extrait qui est que des sonorités, vous allez le constater, assez rock bluesy. Attention. Avant du Sonic Youth, il y avait également dans le dernier segment du Bird Nothing, la chanson Snacks, on avait débuté Broncho Stay Loose, c'est ce qui jouait au début du segment. On poursuit avec Big Ups, qui est un nouveau groupe post-hardcore, post-punk, post pas mal plein d'affaires si on y pense. Ils ont eu des comparaisons jusqu'à maintenant avec Fugazi, entre autres. À vous de le constater avec la chanson qui va jouer à l'instant, la chanson Wool de Big Ups sur le 89.3 CISM. Sweep away. c'était le grunge de Pale Angels, la chanson Slow Dance, leur album Primal Play. Est en écoute, est sorti cette année, oui, est en écoute sur le paleangelsband.bandcamp.com, donc pour d'autres grunge de ce groupe. Juste avant, vous avez aussi entendu la musique de Pony, la chanson La Meute. On va poursuivre tout de suite avec d'autres choses. Je vous propose maintenant de la Dream Pop, on va changer un petit peu. C'est la formation Baba Ganoush, qui est un plat à base de purée d'aubergine, oui, mais aussi un groupe donc de Brisbane en Australie. Donc, je le disais, ils font de la jolie Dream Pop, ce groupe-là. On va entendre un extrait donc qui vient de sortir pas tellement longtemps. On imagine qu'il y a un album qui s'en vient bientôt. Donc, on écoute la chanson Bluff de Baba Ganoush sur le Terminus. Be good enough. You said it would be easy, but I guess that was just a bluff. The same conversation today as yesterday, with the same expectation that you'll just walk away.

jusqu'à 20h. Vous écoutez l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM, une émission dédiée au rock indépendant. Jean-François Lusignan avec vous au micro. Vous venez d'entendre The Weight de la formation White Sands, qui en fait un nouveau trio formé de membres de Mazes, Novella et Male Bonding, donc trois groupes qui s'unissent pour former un seul groupe. White Sands sortiront un premier 7 pouces en format flexi-disc, donc un disque qui est mou, sur le label anglais Art is Hard le 6 octobre prochain. Allez voir ça si vous avez aimé ce que vous avez entendu, donc White Sands. Juste avant, c'était un groupe de Toronto, Wish, qui comprend dans ses rangs Josh Corrody de Believes, qui était à l'émission il y a 2 semaines de ça à peu près. Et pour revenir à Wish, eh bien, leur excellent premier album qui s'appelle également Wish est sorti à peu près 1 mois sur le label toujours de Toronto, Andron Dracula, donc à écouter dans son entièreté. On va poursuivre maintenant avec du Makta Verskan, un duo, enfin un groupe suédois qui a quand même pas mal tourné avec son album l'année dernière à CISM. On va entendre la chanson Asleep tout de suite maintenant. Bonne écoute. We'll be right back. set my hands on fire over again, her to me and me to them. And if the lady starts to show, elle ressentit le froid. Dans le noir, sa peau scintilla. Le lendemain, elle se suicida. Mais tout de même, refusa. C'était Gene Seberg de Théâtre Métamorphosis, l'ancien groupe du chanteur français Marc Dess. De leur seul et unique album Tout le monde n'est pas autorisé, qui sortait en 2011. Juste avant, vous avez entendu la musique de Kate Le Bon avec la chanson Sisters de l'album Mug Museum. Reste à l'écoute, dans quelques minutes, Romane Blouin sera avec vous pour Nous sommes les rockeurs, donc dans 5, 6, 7, 8 minutes. Pour retrouver la liste des chansons que vous avez entendues ce soir, ça se retrouve dans quelques minutes sur le CISM893.ca. Il y a toujours aussi leterminus.ca, le blog avec les archives, toutes les feuilles de route, toutes les chansons depuis le début du projet. On va se quitter avec deux chansons ce soir, oui. Donc, ça sera aux sonorités rock, garage, slash surf. Il y aura le groupe de Québec Ponctuation. Je ne lis. Mais on commence ce duo avec, voyons donc, avec Hockey Dad, eux sont d'Australie, la chanson LOL City. Il est temps que l'émission finisse. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se reparle lundi prochain, 19h, pour une autre édition du Terminus. On écoute Hockey Dad, bye. We'll be right back.